Je ne peux pas faire de pause, j'attends Jeff pour la dernière fois de notre vie. Ah ouais? Je suis un peu triste de ça. Les Américains se retirent de Fallujah. Fallujah. Parce que là, il y a ça, la police irakienne, pour ceux qui veulent rester à la police irakienne, est rendue là, puis tout va bien aller. Ils sont enlisés, les Américains. C'est... Paul Martin est à Washington. On s'en fout. Bonjour, Jeff. Fermez-moi les, comme on l'entend. Attention les amis, notre dernier matin avec André. Bonjour, il est 8h30. Ah oui, c'est la dernière. Ouais, mais hier, je pensais à ça, puis je me disais, pour moi, c'est rien pour un temps. Pour moi, ça va revenir vite. Il va se passer de quoi, puis on va revenir vite. Bon, ben regarde, j'apprécie ça, les optimistes. Moi, je les trouve fascinants, les optimistes. André, on va s'ennuyer toi comme il, Céline s'est mis du Shintake. On va aller te voir à Donnacona. Je compte sur vous pour venir me voir à l'ombre du pénitencier. Ouais. Non, mais j'ai vraiment ce feeling-là qu'il va... On a passé... c'est toujours ça, la tempête de merde, ça dure un temps, mais à un moment donné, après ça, il se met à faire beau. Donc, le jour, il va commencer à faire beau, puis on nous aura oublié, puis on se sera concentré sur autre chose, sur d'autres personnalités à fesser dessus. Ben, on pourra s'amuser, puis continuer de faire ce qu'on fait. Oui, t'as peut-être raison. Ce qui m'a un peu et agréablement surpris, c'est la quantité de message que j'ai reçu de gens à qui on donnait du plaisir le matin. Je pense que Patrice aussi a été surpris. Ouais. Ah oui? ben, j'espère qu'ils ne pensent pas qu'on les a provoqués. Là. Non. Je me souviens d'un animateur à CHRC qui faisait toujours appeler ses amis à chaque fois que chaque fois qu'il était absent. Mais où est-il? C'est lui qui appelait? Hein? C'est lui qui appelait? C'est ses amis qui appelaient, c'est sa femme, c'est ses enfants, c'est cute. Puis il pensait que personne s'en apercevait. Non, ce qui m'a surpris, au-delà du fait que beaucoup de gens ont réagi, c'est les gens à qui nous ont dit vous avez fait quelque chose que personne d'autre était capable de faire. Ça, maintenant que j'y repense, je me rends compte qu'effectivement, on a peut-être fait à la radio des choses qui ne se font pas et que les autres ne font pas et que les gens n'ont pas d'espoir d'avoir. Puis on le faisait naturellement sans être conscient du fait qu'on faisait peut-être différent des autres. On a seulement agi naturellement. Puis malgré le fait que, mettons, toute l'Amérique au complet, je crois qu'on a un peu moins l'Australie, l'Europe, ces affaires-là, mais en Amérique, là, sur le 10 000 ou 12 000 stations qu'il y a au complet en Amérique, on était une des les deux seules stations à le faire, ou presque. Il y a beaucoup de stations en réseau, mais que deux stations se branchent en même temps et discutent l'un et l'autre, c'est rarement vu, même que j'ai pas d'exemple. Ouais. Et les auditeurs semblaient conscients de ça plus que moi. Puis c'était une de mes surprises la dernière semaine, c'est des gens qui disent « Hey, vous faisiez de quoi d'unique? » Puis j'en étais pas conscient. Puis là, ça s'arrête au moment où on en devient conscient. Shit. Shit happens. C'est ça. Puis c'est drôle, hein, ça finit en même temps que le Canadien. Ouais. Une équipe trop jeune, comme si les Lightnings étaient tous des gens d'expérience. Là, oui. Là, l'excuse là, de la machine, ça va être on a une équipe jeune. Quoi, il vous a dit ça hier? Oui. Puis Théo a dit qu'on était pas loin d'arriver à de grandes choses avec le Canadien. Et le constat soudain de Planète Sport Montréal nous disant que finalement le Lightning était une équipe très forte, bien nantie, d'en avant jusqu'en arrière. Tout le monde est... Pourquoi ils ont si mal joué durant 4 games puis ils ont gagné quand même? As-tu remarqué comment les partisans de Montréal sont de drôles de partisans de sport? Ils n'aiment pas gagner, ces partisans-là. C'est des gens qui ont salué dans la dernière minute de jeu, debout avec des serviettes, le Canadien, alors qu'ils se sont fait rosser. Le mot, c'est rosser. En 4 matchs, là, tu peux pas être content de rien. Tu peux pas te dire, oh, bon, on a travaillé fort, bon, c'est... Tu te rappelles, on a raconté l'histoire pourquoi Patrick Roy avait quitté l'organisation du Canadien? Quand il a vu que juste de se rendre aux playoffs, c'était un accomplissement, puis juste avec ça, les dirigeants étaient contents. Mais les partisans sont devenus comme ça à Montréal. De s'être rendus, ils se sont rendus, ils en sont satisfaits. Ils étaient debout hier à applaudir le Canadien qui s'était rendu en playoffs, qui avait réussi à battre les Bruins après un beau comeback et à se faire rosser en 4 contre le Lightning. Sans huer, tu quittes. T'as perdu. Il faut pas se surprendre, André, de voir que quand quelqu'un finit quatrième, une chanteuse quelconque dans un concours amateur, ciboire, on l'attend à l'aéroport avec 150 journalistes comme si c'était un événement des événements. Elle finit quatrième dans un concours pan-canadien, elle est même pas sur le podium, puis on l'acclame, puis on lui donne des publicités, puis on lui donne des contrats de disques. Pourquoi se contenter de peu si on se prend pour, si on se prenait pour quelqu'un d'important. Donc, c'est comme si le fait de se contenter de peu, c'était de dire, regarde, on mérite pas mieux, on n'est pas fort, on n'est pas terrible. Parce que dans le fond, la réaction de la foule à Montréal hier est exactement la même réaction que la mère de Guillaume. C'est pas grave, Guillaume, viens t'en, on va aller au McDo. Exactement ça. Récompenser l'effort minable, récompenser le talent médiocre, récompenser de ces applaudissements des gens qui ont pas réussi. Rappelez, c'est le syndrome du lys d'or. Oui, aux Olympiques, on envoyait des pas bons, et lorsqu'ils revenaient sans médaille, on les honorait parce qu'ils avaient fait une bonne performance selon leurs critères à eux, et non pas selon les critères insignifiants comme le critère olympique ou le championnat mondial. C'est drôle. Non, c'était un Québécois qui avait performé sur la scène internationale. On va lui donner un prix. Bravo. Comme pendant combien de temps dans la région de Québec on a glorifié un loser comme Pierre Harvey en disant que c'était un grand athlète, un grand homme, un grand ci puis un grand ça. C'était un 17e mondial. Puis on était là qu'on vibrait, nos petites fibres nationalistes se réjouissaient de savoir qu'il était arrivé 17e dans un championnat du monde. Et avec suffisance, la planète sport disait, oui, mais les autres se droguent, lui il est propre. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est bien important, ça c'est comme notre gars qui courait, qui parlait français comparativement au Jamaïcain qui a été entraîné en Ontario. Lui c'est un gros écœurant. Puis bégayait en plus. Donc, lui, il s'est fait enlever sa médaille, mais c'est parce qu'il se droguait. C'est ça. D'autres, notre noir. Mon noir est plus propre que le tien. Oh oui, on le commandite, puis lui, il est propre. Lui, il est propre. On est là qu'on se fait des querelles au Canada entre noirs interposés. Ben oui. Mon noir est meilleur que le tien. Notre ami Dan Pou ce matin a baissé les bras sur Théo, finalement, à la longue, après 2 ans et 2 ans et demi de travail. J'ai réussi à lui faire avouer qu'il a baissé les bras. Il dit j'ai plus de temps, là. Il faut que je m'entraîne, il faut que je fasse attention à mon alimentation, j'ai d'ouvrage, j'ai des activités, j'ai plus de temps à défendre Théo, j'ai baissé les bras. Mais qui en voudra à 5,5 millions US? Ben oui, mais regarde, Théo, c'est juste le goleur du Canadien. Il n'est pas meilleur que le Canadien, il n'est pas pire que le Canadien. C'est ça. Faut expliquer aux maudits 514 que leur Canadien de Montréal, c'est une équipe minable. C'est une équipe de gens ordinaires, Théo étant représentatif. Et quand on fait des héros avec du monde ordinaire, on est condamné à être déçu. Ça arrive trop souvent. Hein? Les Roméo Dallaire. C'est plein. Le Canada est plein de héros qui font pas le poids. Plein de héros qui, lorsqu'on les amène sur des vraies compétitions, tu t'aperçois que c'était une erreur, un fantasme, un ectoplasme. Ça fait longtemps que j'avais posé la radio, ça. Ça se place bien. Oui, j'essaie toujours de placer ectoplasme au moins une fois par année. Là, j'ai réussi. Il sert juste une fois, il est bien, là. Ça rentre en rien, Henri. Il n'est pas usé. Roméo Dallaire est bonne. Parlant d'héros. Ah oh, oui, il y en a, regarde, il y en a plusieurs. Robert Piché. Oui. Hey, j'ai vidé les tanks de l'avion, mais j'ai réussi à pas tuer personne. Non. T'es un héros, mon fils. Voici les clés de la ville. Transporteur de potes. Il fait quoi, lui, en passant? Là? Il n'a pas recommencé à voler chez Air Transat, qu'on me dit. Ça me dérange, ça. Parce que les résultats de la... Il a été honoré par des gens, un peu rapidement, par l'Association des pilotes de ligne. Puis là, les résultats de l'enquête, c'est que Christy, il faudrait peut-être s'apercevoir que c'est lui qui a ouvert le robinet. Quand le tuyau a pété, il a mis le fioul à la mauvaise place. Mais non, ça a l'air que on va avoir un héros quand même parce que personne n'est mort. Il a quasiment scrappé l'avion, mais c'est pas grave. Tu sais. Ouais. Non, c'est la fabrication instantanée de héros de pacotille est devenue l'espèce de marque de commerce des pays primitifs et arriérés. Et le Canada est en train d'en devenir un. Regarde Paul Martin qui s'en va à Washington pour essayer de rapporter les affaires. Le discours qu'il fait, c'est sûr, on a bien fait de pas aller en Irak. T'auras pas pu fermer ta gueule. C'est quoi cet instinct de destruction de nous-mêmes qu'on a sans arrêt? J'expliquais hier aux auditeurs, puis à l'équipe, que, à un moment donné, je m'en vais jouer au golf dans ma semaine de vacances, puis à l'endroit où je suis, dans le resort, c'est rempli de gens de partout en Amérique qui prennent leur retraite dans ce petit coin perdu de Port-Saint-Lucie en Floride, mais c'est justement son charme, c'est que t'es loin de la grande ville, t'es loin des tracas du trafic et de ces choses-là. Ces gens-là s'en vont demeurer dans un endroit qui est paisible. visibles. Ils sont tous cool. Avec, après trois années de visite, peu importe à qui tu parles, ils sont tous dans le même mood. Ils sont très, très polis, très courtois. La vie est belle. Ils sont à la retraite, mais en même temps, ils ont une petite jobine de retraité. Ils sont habillés comme il faut, avec une petite chemise bleu pâle, un petit pantalon, avec un beau chapeau pour aller dans la jungle africaine. Puis ils sont là à jaser. Et le gars commence à me jaser parce que j'attendais pour partir. J'étais seul en fin de journée. Puis là, il me jase de son, d'un de ses copains qui s'appelle Larry King, qui travaille à CNN, avec qui il a été élevé. Puis il me racontait sa vie, comment Larry était un déchet quand il était jeune, comment c'était un ivrogne quand il était Morning Man à Miami, et comment de faillite il a fait, puis combien de femmes. C'était très intéressant. Mais à un moment donné, il me garoche la question. Il me dit, coudon, qu'est-ce qui s'est passé avec Irak? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Il m'a gelé parce que il me l'a dit d'une manière de sa sagesse de 64-65 ans, d'homme retraité, tout paisible. Il m'a gelé parce que il l'a dit de façon polie, mais je voyais qu'il y avait une tristesse. Il dit, je peux pas comprendre que, il dit, pour les Canadiens, pour moi, ça a toujours été mes frères, ça a toujours été, en fait, je nous sens du pareil au même. Il y a juste une frontière qui est imaginaire ou presque entre les deux. Vous faites plus fourré que nous autres, là. Mais pour le reste, je sens qu'on a les atomes de crochus qu'on a en masse. C'est drôle que les Américains aiment plus les Canadiens anglais que les Canadiens anglais aiment les Américains. Effectivement. Les Américains considèrent les Canadiens anglais comme étant des Américains nordiques amusants, un peu socialistes, et les Canadiens anglais détestent les Américains. Mais ils sont envieux parce que ils sont jaloux. Les Canadiens anglais se meurent de jalousie des États-Unis parce que ce qui définit un Canadien anglais, c'est un Américain raté. C'est un Américain qui a chié en ses culottes. Moi, je lui dis, écoute, on nous a probablement rendu service. Je lui dis, nos avions sont tout croches, notre armée est tout croche. De ne pas avoir été avec vous autres, probablement que vous avez gagné la guerre, la première guerre, plus rapidement que si on y était avec vous autres. Là, on vous a épargné bien des problèmes. C'est ça, oui. On vous aurait nui quelque peu. Je lui dis, dans le fond, c'est peut-être une bonne chose. Je lui dis, pour les autres, il faudrait qu'ils vous en parlent. Je lui dis, moi, j'étais de ceux qui faisaient partie des gens qui vous appuyaient. Il dit, tu sais, et Mr. Fillion, il dit, si jamais vous avez un problème, à un moment donné, vous savez que vous pouvez compter sur nous. Ouais. Puis c'est vrai, hein? Puis d'ailleurs, on le sait tellement bien qu'on a abandonné notre tradition militaire. On a maintenant une armée de BS en uniforme parce qu'on sait très bien que s'il y avait un vrai problème, les Américains viendraient nous aider. Oui. C'est la raison. C'est pour ça qu'on met plus de cash, on met plus rien. On fait semblant d'avoir une armée. On achète des sous-marins usagés diesel de la Grande-Bretagne. Mm. Bon, ils échappent dans le fond de la mer. Ils en ont brisé un, là, il y a quelques temps. Puis, c'est du ridicule le plus consommé. On a une armée de broches à fond. On a des Roméo Dallaire, d'autres flousies, des camions qui ne montent pas Henri IV. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pendant ce temps-là, on graisse des politiciens qui prennent leur retraite multimillionnaire. Puis, si jamais on a un vrai problème militaire, on appellera les Américains. Bah, alors, pourquoi détourner l'argent de où il doit être? C'est tellement plus simple de le laisser aller dans les poches des amis. Les politiciens les plus sérieux, ils savent très bien qu'on devrait enlever l'armée, puis ils regardent les boys, allez donc travailler en sous-traitance pour l'armée américaine, ils vont s'occuper de vous autres. Nous autres, on n'a plus l'expertise, puis on n'a plus la force, puis on n'a plus le cash pour s'occuper de vous autres. Mais ils ne le feront pas justement juste pour faire semblant qu'il y a une différence entre les deux, au prix de nous voir avec une armée qui ne fera jamais un job s'il arrive quelque chose. Et les jeunes Canadiens qui veulent vraiment faire une carrière militaire de qualité vont dans les forces américaines. Il y a beaucoup de Canadiens dans les Marines. Énormément. C'est quasiment une légion étrangère à certains égards. Je connais un gars de Québec, moi, qui pilote des F-16 quelque part en Asie pour l'armée américaine. Oui. Je me souviens, je te racontais d'être au Château Frontenac un dimanche midi et de voir à une table 5 ou 6 officiers des Marines américains en uniforme de gala. Puis quand j'ai vérifié, ben c'est un gars de la Beauce qui était venu se marier à Québec, qui avait amené ses amis, parce qu'il était dans les Marines. C'est un officier de Marines, c'était même pas un homme de troupe. Et c'est un gars de la Beauce. On a dans les journaux d'aujourd'hui un jeune Amérindien, là, Candy, qui a été blessé en Irak et qui est revenu se reposer au Canada, puis qui retourne, il a très hâte de rejoindre ses collègues. Les jeunes Canadiens qui ont de l'avenir dans l'armée, ils vont pas dans les forces canadiennes. Ils vont dans les forces américaines. C'est étonnant, ça. Mais il y en a plus qu'on pense. C'est une réalité cachée. Il y en a probablement beaucoup plus qu'on pense. Es-tu impressionné matin par le fait que 40% des Québécois souffrent de stress au travail? Du stress au travail? Tu veux dire qu'on les fait travailler, si? Chaque fois que je visite le siège social et que je vais sur le chemin Saint-Louis rencontrer, j'en profite pour prendre un excellent expresso dans le très agréable petit snack qui est au sous-sol, je suis toujours surpris de voir les gens épuisés autour de moi qui travaillent dans la fonction publique. Ah oui, ils sont épuisés. Ben, ils sont vraiment épuisés. ils sont fatigués. Mais c'est 40%, on ne dit pas des travailleurs, on dit 40% des Québécois souffrent de stress. Il ne faut pas oublier là, qu'au niveau de la production, de la productivité, on est les plus bas en Amérique. Donc, c'est pas le travail qui va nous faire mourir là, en partant. Là. Ça, c'est une de nos faiblesses qui fait pourquoi on est aussi pauvres. Mais les gens, là, les gauchistes voient ça d'un autre œil. Ils autres, ils disent, ben non, on travaille moins et on est moins productif parce qu'on aime plus profiter de la vie. Ça, c'est le côté, j'ai pas d'ouvrage à faire puis je veux pas me relever les manches pour être plus riche que les autres et avoir une société riche. Je vais prendre cette phrase-là, comme ça, je travaillerai pas. Mais j'essaie de trouver, sont où les gens qui peuvent avoir du stress au travail? Quel genre de stress au travail? Qu'est-ce qu'il y a de stressant au travail? Quand t'aimes ton travail, patince. Mais qui peut avoir du stress? Sincèrement, qui peut rentrer et dire au moins une à deux, trois, quatre fois par semaine, je rentre stressé au travail? Dans quel domaine? Quels sont les métiers au Québec qui provoquent vraiment du stress? Est-ce qu'on peut dire un chauffeur de taxi? Non. Non? Politicien? Non. Ben non. Avocat? Stressé de biler? Ben, il est stressé de pas avoir de clients parce que c'est une profession de crève la faim. Papeterie. Cher. J'en trouve pas. Être infirmière, ça doit être stressant quand même. Alors, pourquoi ils passent leur temps à parler de soirée de la veille dans un poste de garde au lieu de s'occuper des clients? C'est pas sûr qu'ils ont encore le temps. Peut-être c'est le chiffre du soir, là, mais dans le jour, une journée qui fait pas beau. Au moins, t'as avalé l'hameçon du syndicat, toi. Ça parle du médecin qui vient de passer pas à peu près. Ouais, s'il est cute, on les comprend. Ouais, ils ont du temps. Ils travaillent fort, là. Ils travaillent. Ça, je leur donne. De temps en temps, je vais à l'urgence à cause de jeunes enfants. Ils travaillent fort. Mais ils travaillent dans des conditions qui c'est digne de la République dominicaine. Sauf que c'est pas stressant, c'est leur job, c'est naturel. Écoute, travailler, c'est vivre. Là. Le stress, là, c'est une façon. Je peux comprendre que tu es stressé dans une job quand tu commences ta job. Tu commences par un nouvel employeur, t'as des fourmis un petit peu, tu es un peu nerveux. Mais une fois que tu as deux pieds dans tes pantoufles, après deux semaines, là, arrêtons. Là. Voyons. On ne peut pas voir le stress d'un métier qu'on aime. Il y a des métiers qui sont stressants. Pompiers. Mais ils passent des heures à rien faire, puis ensuite de courtes minutes à être terrorisé comme un pilote d'avion. Ouais, mais t'en as besoin du stress pour être un bon pompier, d'après moi. Probablement qu'il y a aussi des junkies d'adrénaline là-dedans. Ouais. C'est ça. Mais effectivement, des gens qui sont stressés là au Québec, là, je pense que la vraie raison d'être stressé au Québec, c'est de faire partie d'une société de plus en plus corrompue, de plus en plus incompétente, de moins en moins capable de s'occuper de nous et dont la mentalité a été déviée au point qu'elle ne peut plus se nettoyer. Quand tu as un hôpital qui reçoit un équipement que le gouvernement n'est pas capable de payer et qui, pour le rendre disponible aux gens qui n'ont pas les moyens de payer l'examen, le réserve à ceux qui ont le temps de payer un certain nombre d'heures par semaine pour être capable ensuite de l'utiliser pour ceux qui n'ont pas les moyens, puis qu'ensuite on l'oblige à arrêter de faire ça sans lui donner le budget de fonctionnement, puis que les gens acceptent en disant « oui, c'est de même, il faut que ça marche », il n'y a plus d'espoir dans une société comme ça. Il n'y en a plus. Parce que on n'a pas vu ceux qui étaient soignés. On a vu ceux qui n'auraient pas dû se faire soigner parce qu'ils ont payé. C'est un geste profondément corrompu de la société québécoise, ça, puis on s'en sort jamais. Si quelqu'un prend les devants, il faut qu'on l'arrête tout de suite. Puis cette mentalité-là, les amis, ça, c'est stressant. Puis ça, ça fait une société où tu te dis, qu'est-ce que ça me donne d'être bon? Personne va s'en apercevoir. Et si quelqu'un s'en aperçoit, il va me le reprocher. Qu'est-ce que ça donne d'être meilleur? De ne rien. Rien! Ça donne juste des problèmes. André, avant d'aller plus loin, on fait une petite pause habituelle, notre dernière. Oui, c'est vrai. Si, deux tout minutes. Ah, on est dernier. Les échéances sont arrivées. Yes, on fait une pause, on vient. Pour rejoindre l'équipe d'André Arthur, faites le 670-1009 ou sans frais le 1-800-670-1009. Ose 1037. Simi FM. On connaît tous le Charbon Steakhouse. C'est un endroit de renom pour ceux qui ont le palais délicat. Les amateurs de bœuf sont enchantés de découvrir le Sterling Silver 3A, le bœuf du Charbon Steakhouse. La cuisson par un maître grilleur sur le charbon de bois d'érable, le personnel attentionné, l'atmosphère feutrée du charbon, un événement inoubliable. Charbon, 5220133, 2h30 de stationnement gratuit. On se rappelle toujours notre première visite au charbon. Pour casser la routine, il y a des couples qui le font en chantant. Si tu savais comme je t'aime. D'autres qui se donnent des noms. Ah, ma Juliette. Ah, ah, mon Tarzan. Et il y a des couples qui vont à la boutique érotique Adam et Ève. Jusqu'au 31 mai, c'est 15% sur toute la marchandise le lundi, mardi et mercredi. Ouvert en semaine jusqu'à 21h, la fin de semaine jusqu'à 18h. Boutique érotique Adam et Ève, là où le sexe n'est pas un péché. 15,99, 10 Mobile Beauport, face aux Galeries Sainte-Anne. 660-6161. Silencieux Gosselin Plus, le petit nouveau. Évidemment, la spécialité des silencieux, fabriqués sur mesure sur toutes sortes de véhicules. Mais c'est pas tout. Les freins, les amortisseurs, les jambes de force, les alignements, les pneus, les batteries, les vidanges d'huile, les attaches remorques, des gens polyvalents. Silencieux Gosselin recommandé CAA et le nouveau Silencieux Gosselin Plus au 5620 boulevard Saint-Anne de Boischâtel, facile à recommander. La maison funéraire Nouvelle Vie 2002 est une entreprise entièrement québécoise qui se fait un point d'honneur de vous guider dans vos démarches tout en respectant vos volontés. Nous savons à quel point cette épreuve peut être difficile à traverser. C'est pourquoi nous offrons un service des plus personnalisés, de qualité supérieure, pour un coût plus que convenable. Nos services offerts, les préarrangements, la crémation et Columbarium. Deux adresses, à Charlebourg et Loretteville. Pour nous joindre, 626-8884. André, ouais, faudra pas paniquer. Là. Les gens pensent qu'on quitte la radio. C'est pas ça. Là. C'est que nos patrons ont décidé que la participation commune qu'on faisait chaque jour à 8h30, ça s'arrêtait, que c'était fini. C'est tout. Ben, c'est ça. Je le dis encore pendant la pause à Marie. J'ai comme l'impression et à Yves. J'ai un feeling, sans avoir parlé à personne. En fait, je n'ai pas parlé à personne depuis que je suis arrivé cette semaine. Ça fait du temps. Ça fait du bien de temps en temps d'être séparé de l'administration. On dirait qu'on y prend goût. J'ai comme l'impression que c'est une pause. Je pense vraiment que le ciel va redevenir bleu à un certain moment donné. Les choses vont se calmer. Je suis optimiste, moi. C'est ton âge. Toi, tu ne l'es pas pendant. Hein? Pas pendant. Il y a des gens dans la vie dont c'est le métier d'être prudent. Il y a des gens dans la vie où c'est le métier de ne pas s'en occuper. Et ceux, actuellement, on prend une décision de prudence. Je dirais une décision relativement timorée. Personnellement, je me souviens quand j'ai été crissé dehors du FM 93 pour avoir mis en cause l'intégrité de Robert Gillet. Dieu sait que je m'étais trompé, c'était un homme au-dessus de tout reproche. Je me souviens de t'avoir dit dans l'entrevue qu'on avait fait ensemble suite à cet événement-là que une petite participation dans ton émission me conviendrait tout à fait, moi, comme fin de carrière. Me conviendrait absolument, puis que j'espérais être capable de contribuer quelque chose. Et cette participation qu'on a ensuite fait ensemble, qui a commencé à 10 minutes, qui est allée à 20, qui s'est étirée à 30, qui a déjà fait 45, pour moi, ça a été... au long de ce temps-là, un privilège, un plaisir, un changement d'air, un apprentissage de ce qu'est la radio des plus jeunes que moi qui m'a beaucoup apporté. Puis on m'enlève beaucoup en me l'enlevant. Est-ce que je vais pouvoir être chroniqueur de golf dans ton show le midi, c'est quand même? C'est comme ça que ça a commencé. D'ailleurs, le jour où j'ai demandé au vice-président, au président de Cogeco Radio-Télévision, le mormon Michel Carter, quelles étaient les vraies raisons de mon congédiement, il m'a répété que c'était parce que j'avais pas été fin avec Robert Gillet, et il a ajouté deux événements qui avaient concrétiser la décision de Cogeco de me jeter à la porte. Il y en avait deux. Il y en avait un le jour où j'ai humilié Robert Gillet en accueillant à mon émission pour parler de golf le concurrent de Robert, l'infâme Jeff Fillion. Ça, pour eux, là, c'était... tu voyais que c'était révoltant d'avoir fait ça, alors que je trouvais que c'était un moment de radio qui était... indispensable parce que surprenant. Mais c'est savoureux. Ben oui, on s'est amusé comme on s'est amusé, puis nos auditeurs se sont tous étouffés. Puis autant les siens que les miens se sont dit, baptême, est-ce que c'est le fun? Et l'autre événement qu'on m'avait reproché à ce moment-là, puis qui avait justifié mon congédiement, c'est que dans une entrevue, je crois, sur les ondes de choix, mon fils René avait dit qu'au FM 93, on se sentait pas bien, puis qu'on avait l'impression d'être dans une station qui n'existait que pour Robert Gillet, et que tous les besoins des autres devaient passer par ceux de Robert Gillet si on voulait être satisfait. Et ça, on m'a reproché ça. On m'a dit qu'une des raisons de me mettre à la porte, c'est ce que mon fils avait dit. Je me disais, c'est pas fort. Mais en d'autres mots, ça c'est le passé, puis il faut pas se rouler dedans, parce que le passé, il faut pas l'oublier pour pas qu'il se répète, mais il faut pas non plus se rouler dedans tout le temps. Ce qui se termine aujourd'hui, pour moi, ça a été un des beaux moments de radio que j'ai fait dans ma vie, parce que... T'as fait broyer Marie là-bas, là, je l'avouais. Là, allez-vous encore vous expliquer des fois les relations entre les hommes et les femmes? Vous m'avez éclairé ce point d'accord. Marie, j'essaye encore de comprendre. Si jamais je trouve de quoi, je vais vous le dire. C'est même trop tough, il n'y a pas d'explication à ça. On peut juste genre... Ah, déjà, le test de la porte de char, ça valait 100 piastres. Le steak aussi. Le steak, oh oui, les manger de viande et les végés pâtés. On a eu du fun, André, puis je suis désolé, j'ai comme le feeling, puis même plus la fin avance, puis plus je vais avoir le goût à la fin de le dire à la prochaine, puis je suis sûr que ça va l'être. Ouais. En fait, la plus grande satisfaction, c'est qu'on a surpris tout le monde, y compris nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas un matin à 8h30 qu'on a ouvert nos micros en sachant vraiment ce qu'on ferait. On ne s'est jamais jasé avant. Non, à aucune fois. C'est devenu comme un rituel de ne pas le savoir. Qu'est-ce que ça? Mais non, à aucun moment, on y a eu des contacts, même entre nos... Je pense qu'une fois, il y en a eu un, mais peut-être une fois dans tous ces mois, les recherchistes se sont parlé, puis on avait une petite idée de ce qui se passait. Mais à chaque fois que les auditeurs nous ont entendus connecter nos microphones à 8h30 le matin, à chaque fois, ni d'un côté, ni de l'autre, on ne savait précisément où est-ce qu'on s'en allait. Puis parfois, ça a paru qu'on était qu'on tantillonnait, puis qu'on taponnait, puis qu'on avait. On était sur deux, trois tracks en même temps, puis qu'on se coordonnait pas. Et parfois, ça a donné lieu à des belles surprises pour nous autres, puis pour ceux qui nous écoutent. Non, ça, t'sais, quand il y a quelque chose qui est, on a du plaisir, puis on s'amuse, puis l'autre fois, tu m'as demandé dans le corridor, on s'était rencontrés, tu venais faire un tour ici dans l'édifice. Je me dis, mais s'amuses-tu? Moi, je suis un éternel. Mais moi, je m'amuse. Le jour où je m'amuserai plus, en vrai, je ferai plus rien. Ah, si t'amuses pas au-dessus de là. Oh, je m'enlève de là. Puis oui, je m'amuse, mais ça, la manière de le vérifier, c'est de voir depuis combien de temps que tu le fais, puis t'es pas capable de répondre. Cette semaine, quand je suis venu au constat que ça faisait 2 ans, j'ai l'impression que ça faisait moins que ça, parce que c'était comme si c'était hier. Ça faisait déjà 2 ans. Ben, ça a été un beau 2 ans. Ça a télescopé. Et pour moi, comme je te le racontais, j'ai pas une notion exacte des dernières 5 ans, il y a de la brume à des places. Mais pour moi, ça va rester un très, très beau souvenir et un honneur que d'avoir été accueilli dans une gang de jeunes qui sont dynamiques, qui inventent des choses en radio, puis qui n'ont pas peur de s'assumer pour ce qu'ils sont, au lieu d'essayer de se déguiser en quelque chose qui serait plus présentable, plus souhaitable, ou plus ci, ou plus ça. Des gens qui... Mais on s'en met toi comme professeur d'école un peu. Ah ben regarde, c'est... On dit, les professeurs qui aiment leur métier nous disent qu'ils apprennent davantage des gens qui sont dans la classe que ceux dans la classe apprennent de eux. Mais si vous me traitez comme un professeur, je vais vous retourner la chose en disant que vous m'avez appris davantage que j'ai pu vous apprendre. Ça a été un échange du début à la fin. Puis je suis vraiment triste que ça s'arrête. Vraiment, là, ça, pour moi, là, c'est la réalisation que je suis sur une fin de carrière, puis que progressivement, il y a des lumières qui vont s'éteindre jusqu'à temps qu'il n'y en reste pas. Ouais, mais c'est sûrement un feeling que tu as déjà eu par le passé, puis tu es resté surpris de voir comment ça débloquait, puis ça changeait de bord. Des fois, ça va vite. Je peux pas te désappointer. Je veux pas te désappointer, Marie, mais c'est non. J'ai jamais eu ce feeling-là avant. J'ai toujours eu le feeling qu'il y en avait des durs, il y en avait des difficiles, il y en avait des le fun, il y en avait toutes les sortes, mais que ça continuait. Là, maintenant, c'est un élément qui me montre que, regarde, Arthur, tu as atteint 60 ans, tu t'as fait ce que t'avais à faire, puis progressivement, on va avoir de moins en moins besoin de toi, puis progressivement, il va y avoir des gens qui vont te remplacer, puis progressivement, ça va devenir de plus en plus difficile de te garder à l'emploi, parce que dans un pays de plus en plus corrompu, il y a de plus en plus de gens à qui ça va déplaire de t'entendre, donc ils vont faire de plus en plus de gestes, de manière à ce que ça soit plus difficile de t'embaucher. Il reste pas un sacrement de poste de radio au Québec qui est capable de m'embaucher, à part de celui où je suis présentement. Alors, je peux pas dire qu'on se m'arrache, hein? Donc, il faut, quand ça arrive, ces choses-là, il faut les voir, puis se dire, bon, c'est vrai, maintenant, profitons-en jusqu'à la fin. Puis, je te le dis, là, Jeff, je suis encore comme le lanceur qui est au monticule, il y a peut-être eu une mauvaise manche, puis quand le gérant sort de l'abri, il est en tabarnak. Ah, c'est sûr. Bien sûr. Pas d'affaire à venir m'enlever à balle, lui. Rocket to the sky, André. Ouais, peut-être. J'ai encore une prise dans mes mains. Voilà, je vais l'avoir. Laisse-moi aller. Je suis capable. J'ai déjà striqué, celui-là. On a eu le feeling quand même que, il y a chaque jour, il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit, marque bien ça, Jeff, en vieillissant, chaque jour, tu vas t'apercevoir dans la société dans laquelle on est. On a l'impression qu'on vit dans une société libre. Malheureusement, si t'es attentif, tu vas voir qu'à chaque jour que le bon Dieu t'amène, t'es de moins en moins libre. Est-ce qu'on est rendu vers là? Puis même que ça dépasse les frontières du Canada, je suis régulièrement ce qui se passe aux États-Unis où il y a un nettoyage sans précédent dans toutes les stations de radio en ce moment, qui est épeurant comme ça se peut pas. Et qui vient avec la concentration des propriétés. Oui. Oui, parce que eux ont des gugus. Ces grosses compagnies-là veulent être du côté du pouvoir puis continuer à avoir leur gugus et sont prêts à sacrifier tous ceux qui les ont montés en tant que compagnie. Stern, là, ça a sauvé Infinity Broadcasting, pas à peu près, ça, là. Ouais. Mais maintenant, c'est trop gros. Je suis capable de faire 2 millions de chiffres d'affaires avec n'importe quel poste de radio au Québec, personnellement. Et il y a été un temps où un 2 millions de chiffres d'affaires à Québec ou même à Montréal, c'était quelque chose que les gens, ils salivaient en pensant à ça. Mais maintenant, une compagnie comme Cogeco ou une compagnie comme TVA, un 2 millions de chiffres d'affaires, c'est une crotte de nez. Non, pourquoi ils se mettraient en rogne avec les pouvoirs pour un petit chiffre d'affaires de 2 millions? Les compagnies qui sont encore capables d'aller vers les originaux, vers les gens un peu différents, sont les compagnies qui sont indépendantes. Or, il n'en existe à peu près plus. À Montréal, qu'est-ce qui reste? Propriété maison. Il y a le petit CJMS qui a de la misère à faire ses fins de semaine et ses fins de mois. Il y a qui à Montréal qui est encore indépendant, qui n'est pas accoquiné à une grande station? Il y en a très peu. À Québec, il n'y en a plus. Il reste nous autres. On est les deux seuls. Qui soit propriété de gens qui ne sont pas des grandes chaînes, qui n'ont pas 36 intérêts dans d'autres médias réglementés, puis qui ont besoin de l'aval des politiciens pour faire n'importe quoi et faire de l'argent. Donc, c'est un entonnoir, tranquillement, qui se ferme devant nous autres. Puis à un moment donné, ben effectivement, il n'y a plus de marge de manœuvre, puis quand on s'en aperçoit, il est trop tard. Ce que je retiens, par contre, autant CKNU, qui est une station qui allait nulle part avant que tu arrives, choix qui connaît depuis, quoi, 4 ans, 5 ans maintenant, une montée qui est extraordinaire pour une petite station indépendante. Je regarde ça, puis ce qui me réconforte de Québec, puis je prends tes années à CHRC, où tu étais toi-même propriétaire avec une gang de gars de Québec, où CHRC, à ce moment-là, était une station dominante. À Québec, il semble que les gens de Montréal n'ont pas encore su comment gérer leur boîte à Québec. Les succès des stations à Québec passeront toujours par des propriétés locales ou presque, ou encore du management local. C'est incroyable comment à chaque fois qu'il y a un succès, c'est parce qu'il se passe. Mais je vais être obligé de te dire que même Chic a eu de bonnes années, même si c'était relié à un réseau, avait une certaine indépendance créée par la jungle. Puis ça a fait que Chic a toffé pendant plusieurs années. Le 93, en tant que c'était une station qui appartenait à un technicien, puis à un gars qui a un terrain de golf, puis à un autre, c'était la même chose. Et CHRC aussi. Et Chouet a été embarqué dans ce lot-là. J'espère que ça envoie un message clair au CRTC. J'espère qu'il y a des gens à Montréal, mais peut-être qu'effectivement... Que c'est quoi le message que tu penses que le CRTC entend, toi? Bon, il n'a pas. Non? Penses-tu que le CRTC est à la recherche de radios plus dynamiques, plus indépendantes, plus dérangeantes? Au contraire, le CRTC est à la recherche de qu'il y ait de moins en moins de stations qui déplaisent. De réseaux endormants qui endorment les gens. Parce que les gens qui sont au CRTC sont des créatures, des politiciens et des créatures des gens qui veulent pas être dérangés. Donc, ils vont faire la guerre au nom de leur patron, au nom de leurs autorités, contre ceux qui dérangent leurs autorités. Come on, là. Le but du CRTC, c'est pas d'avoir des radios qui dérangent. Le but du CRTC, c'est d'avoir des radios qui sont pliées devant ceux devant qui les gens du CRTC sont eux-mêmes pliés. On veut des formats aseptisés, on veut des stations toutes pareilles, on veut des formats qui dérangent pas, puis on veut des animateurs de radio qui dérangent pas. Ouais. Et on se fout du succès que les stations ont. Et eux aiment mieux avoir 30 stations dans un marché, dont les 30 sont à peu près identiques en code d'écoute. Les 30 intéressent personne dans la population parce qu'il n'y en a pas une qui se démarque. Mais ça, ça fait leur affaire. Mais ça, c'est fréquent. Et ça sera comme ça de plus en plus. Ouais. Regarde le marché. Le marché anglophone nous avait ouvert à ça. Hein. Le marché anglophone est un petit peu en avance sur nous autres parce que, je ne sais pas pourquoi, là, peut-être près... Ils sont venus plate plus vite. Plate plus vite. Les autres, c'est fait, là. C'est fait. Tu t'en vas à Toronto, tout est plat. Oui. Tu t'en vas à Regina ou à Winnipeg, tout est plat. Et c'est le CRTC va jamais passer des semaines là justement pour brasser personne. Pendant qu'à Montréal, il y a eu Montréal a été le pionnier dans la Montréal et Vancouver ont été au Canada anglais. Les villes qui ont amené des animateurs extrêmement controversés. Il y avait un nommé Burns à Montréal dans les années 60 qui était un kamikaze. Là, ça, non, c'est pas Pat Burns, mais. C'est pas le même, là, mais un homme qui portait ce nom-là, puis il a brassé. À Vancouver, il y a eu la même chose avec Webster, avec Judy Lamarche, qui, après avoir été ministre du CRTC, a publié ses mémoires sous le titre « Un serin dans une cage dorée ». Je ne savais pas jusqu'à quel point c'était vrai. Et ces gens-là ont été éliminés et ont été progressivement remplacés par une radio hyper conservatrice comme CJAD Montréal, comme CKAC Montréal, des radios où le motto des animateurs et des artisans semble être, vous savez, j'aurais pu travailler à Radio-Canada, mais ça ne donnait pas ce matin-là. I could have worked at the CBC, but that morning they were not looking for anybody in particular, so I went to CJD. C'est exactement la mentalité qui s'est entrée à la grandeur du Canada. On est rentré dans le moule radio-canadien plate, servile devant le pouvoir, parce que c'est comme ça qu'on fait une belle carrière. Ah oui, parce que si jamais ça ne marche pas ici, faut pas que je me brûle des. Faut pas que je me ferme des portes ailleurs, faut que je fasse attention. Faut toujours que je pense que je dois faire plaisir à tout le monde qui peut m'engager un jour. Ouais. Non, c'est l'autre optique. Alors que nous, on sait que, en tout cas, dans mon cas, quand j'ai commencé ici, je me suis dit, c'est la dernière place. Ouais. J'avais pas le choix de voir demain. Je me suis dit, si je le vois pas comme ça, je réussirai pas à être ce que je suis. Tu mets tes skis, t'es enlèves plus. Ouais. C'était George Burns qui était à Montréal, mais je suis pas certain. Puis moi, je pense que c'était Pat. Mais il y avait un Burns à Montréal qui était un animateur incendiaire pendant des années, puis ils l'ont évacué. André, j'ai demandé une chose, par contre, lorsqu'on m'a annoncé la nouvelle, puis c'est à toi aussi, ben, ça, je te le demande à toi parce que c'est le principal concerné, puis je le disais à Dominique Moret cette semaine. Par contre, je tenais à ce que de temps à autre, on se fasse de petites surprises. S'il y a des matins, s'il y a quelque chose qui mérite d'être jasé à deux, j'ai demandé la permission à la haute direction si on pouvait se brancher. Ils ont accepté. Ils ont accepté. Ils ont accepté. Ils ont accepté. Même avec des gens ici, s'ils ont dit oui. OK, alors je vais transposer ça dans un tout autre domaine de la vie humaine. Yeah. Combien de fois t'as dit à une fille avec qui tu cassais, on ira souper ensemble? Et combien de fois ça ne fut qu'un souper? Et quand est-ce que tu l'as fait? La routine a le don de remanger ces choses-là. Ouais. Il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Si nos patrons ont eu du plaisir et s'ils veulent le revivre, ils n'ont rien qu'à nous appeler, on est disponible. En tout cas, moi, je le suis et je pense que tu l'es aussi. Ça a été un moment inespéré dans ma vie professionnelle. Je le quitte avec beaucoup de regrets. Puis je vais continuer à avoir autant de fun que je suis capable d'avoir. Puis si jamais on nous replace ensemble dans d'autres circonstances ou dans les mêmes, vous pouvez compter sur moi, mais il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Je ne pourrais pas t'écouter le matin, mais je vais me faire un devoir de t'écouter comme je le fais régulièrement le midi à CKNU 100.9, André. OK, alors. Puis je te dis, regarde, moi, mon hôtel, je suis jeune, j'ai toujours été comme ça, je suis un éternel optimiste, puis je me dis, regarde, on a eu du plaisir, on va en avoir encore, je te dis à la prochaine. Salut! Salut! Merci! Bye bye. Au revoir tout le monde. Il est 9h09. Pour rejoindre...